Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 6, du samedi 29 septembre 1883. Page 1, colonne 5. Opinion de la presse. Du Sorellois. Nous avons reçu dernièrement un numéro d'un nouveau journal, Le Progrès de l'Est, fondé il y a 4 semaines et organe des populations des cantons de l'Est. Cette feuille est hebdomadaire et est rédigée par un de nos bons écrivains, M. l'avocat Bélanger de Sherbrooke, rédacteur fondateur et pendant plusieurs années du Pionnier, et plus récemment, rédacteur propriétaire du Progrès. Nous souhaitons cordialement la bienvenue aux nouveaux confrères. Merci de votre bonne opinion, confrère. Mais encore une fois, M. Bélanger ne réclame point, pour le présent du moins, l'honneur d'être le rédacteur de notre feuille. Pas le temps, confrère. Pas le temps. Du Richmond Guardian. Le Progrès de l'Est, c'est le nom d'un nouveau journal publié à Sherbrooke par Bélanger et frères et rédigé par notre ancien et bien dévoué confrère, L.C. Bélanger, avocat. Un journaliste d'une telle expérience et aussi bien connu n'a pas besoin d'être présenté. Nous sommes enchantés de le voir revenir dans nos rangs et nous remarquons, par les articles de fond, dans les 3 ou 4 numéros que nous avons reçus, qu'il n'a point perdu son style brillant et la vigueur de son argumentation. Le Progrès est rempli de nouvelles, fait d'une manière fort remarquable, et l'impression en est parfaite. Nous lui souhaitons de tout cœur longue vie. Merci à notre aimable collègue de ses bonnes paroles. Qu'il nous permette de signaler 2 erreurs, notre feuille est la propriété de messieurs V. Bélanger et compagnie. M. Bélanger n'en est point le rédacteur. Ça viendra peut-être plus tard.